Chapitre 4. Sarcasme. Les reproches que Delville, au nom de sa mère, avait fait à Cécile, l'avaient décidé à cette visite, car, quoique dans son incertitude actuelle, elle ne souhaitât de voir cette famille qu'autant qu'elle en serait recherchée, elle voulait cependant éviter toute apparence de singularité, dans la crainte de faire soupçonner ses sentiments. Madame Delville la reçut avec politesse, et en même temps avec une froideur qui l'affligea. Elle trouva qu'elle était véritablement piquée de sa longue absence, et elle s'aperçut pour la première fois de cette fierté dont elle avait cru que l'envie et la calomnie pouvaient seules l'accuser. Quoique son mécontentement fût visible, elle ne daigna pas lui faire le moindre reproche. Elle ne laissa échapper aucune plainte, mais elle ne manqua pas de temps en temps de faire les réflexions les plus amères et les plus sanglantes contre le caprice et la légèreté. Cécile, à qui il était impossible de déclarer les véritables raisons de sa conduite, ne chercha point à excuser sa prétendue négligence. Accoutumée aux attentions les plus flatteuses, un changement si subit l'affligea beaucoup. Milady Honoria Pemberton, fille du duc de Derbent, arriva sur ces entrefaites, et la vivacité de sa conversation lui laissa quelques moments pour se remettre. Cette jeune demoiselle, qui était parent de la famille de Delville, et du caractère le plus léger et le moins discret, ne fit pendant tout le temps de sa visite que répéter les traits de médisance qu'on répandait contre les gens les plus connus avec une imprudence et une étourderie que les leçons que Madame Delville ne lui épargna pas furent incapables de réprimer. Et après avoir épuisé tous les sujets du jour, elle se tourna tout à coup du côté de Cécile, qu'elle avait eu occasion de connaître chez M. Delville, et lui dit « J'apprends donc enfin, Miss Beverley, qu'après qu'une moitié de la ville vous a marié au chevalier Fleur et l'autre à Mylord Derford, vous vous proposez, sans vous arrêter à tout ce qu'on peut dire, de les démentir l'un et l'autre en vous donnant à M. Marriott. » « Moi ? Point du tout, » répondit Cécile. « Je vous assure, mademoiselle, que vous avez été très mal informée. » « Je le pense, » répliqua Madame Delville. « M. Marriott, par tout ce que j'ai ouï dire de lui, paraît n'avoir qu'un seul mérite, une fortune considérable. » Et je crois que c'est celui de tous dont Miss Beverley doit faire le moins de cas. » Cécile, charmée en secret d'une pareille réflexion qu'elle ne put s'empêcher de croire avoir quelque rapport à Delville, reprit un peu courage et tâcha de prendre part à la conversation. « Tous ceux qu'on rencontre, s'écria Lady Honoria, disposent de Miss Beverley en faveur de quelques nouveaux prétendants. Cependant, le sentiment le plus général est que le chevalier Fleur aura la préférence. Quant à moi, je ne saurais trop imaginer comment elle se tirera d'affaire avec eux. Car M. Marriott assure qu'il ne veut point être refusé, et le chevalier jure qu'il ne renoncera jamais à elle. Ainsi, aucun de nous ne saurait prévoir comment cela finira. J'avoue que je suis enchanté qu'elle fasse durer cette incertitude. S'il y a dans cette affaire la moindre incertitude, elle est bien volontaire. Mais quelle raison auriez-vous, Milady, d'en être enchantée? Oh, parce qu'elle est propre à les tourmenter, et fournit matière à la conversation. D'ailleurs, nous attendons tous avec impatience le moment où les gazettes nous annonceront qu'ils se seront querellés, et que vous aurez occasionné un second duel. « Un second duel ! » s'écria Cécile. « Assurément, ils ne se sont encore jamais battus pour moi. »« Oh, je vous demande pardon, » répondit Lady Honoria. « Vous savez bien que le chevalier s'est battu au commencement de l'hiver, à votre occasion, avec cet aventurier irlandais qui vous insulta à l'opéra. »« Aventurier irlandais ! » répéta Cécile. « Cette affaire était singulièrement défigurée. » En premier lieu, je n'ai jamais été insulté à l'opéra. Et en second lieu, Milady, si vous voulez parler de M. Belfield, je doute fort qu'il était de sa vie en Irlande. Eh bien, repartit-elle, fût-il venu d'Écosse, cela serait égal. Il faut certainement qu'il vienne de quelque part, et l'on m'assure qu'il a été terriblement blessé. Le chevalier a eu pendant un mois ses malfaites, afin que si son antagoniste était mort, il eût pu disparaître sur le champ. « Je vous prie de me dire, Milady, » s'écria Madame Delville, « comment vous faites pour ramasser toutes ces absurdités ?»« Oh, je ne sais trop. Je ramasse toutes les particularités que j'entends dire de part et d'autre. Je les arrange ensuite le mieux qu'il m'est possible. Je pourrais cependant vous apprendre une nouvelle plus extraordinaire qu'aucune de celles qu'on a pu vous dire jusqu'à présent. Et quelle est-elle ? Oh, si je vous la disais, vous en feriez part à votre fils. Non, certainement, » répartit Madame Delville en riant. « Peut-être même finirai-je par l'oublier moi-même. » Elle fit encore un peu de difficulté, et Cécile, ne sachant si elle ne serait point de trop, s'éloigna, et fut se placer auprès d'une fenêtre, d'où cependant, comme Milady ne baissa pas la voix, elle lui entendit dire « Eh bien, vous saurez qu'on m'a assuré qu'il avait dans une des rues de la route d'Oxford une maîtresse qui lui coûtait beaucoup d'argent et qui est très jolie. Je serais bien curieuse de la voir. » La consternation de Cécile à cette nouvelle aurait certainement découvert ce qu'elle cachait avec tant de soin, si l'éloignement où elle se trouvait n'avait empêché qu'on ne l'aperçût. Elle resta à sa place sans regarder autour d'elle, et n'entendit pas sans beaucoup de plaisir Madame Delville répondre avec beaucoup d'indignation « Je suis fâchée, milady, que vous puissiez vous amuser à écouter des calomnies, que ceux mêmes qui les répandent sont fort éloignés de croire. Dans des temps moins corrompus, et où la calomnie serait aussi détestée qu'elle le mérite, le caractère connu de Mortimer l'aurait mis à l'abri de pareilles accusations. Qui s'étonnera cependant qu'elle ne l'ait point épargné, et qui pourrait mépriser les inventeurs de ces mensonges quand on saura qu'ils ont amusé Milady Pemberton, qu'elle y a pris goût, et qu'elle les a crédités en les publiant ?» « Ma chère Madame Delville, s'écria la jeune dame, vous prenez la chose trop sérieusement. »« Ma chère Milady, répondit Madame Delville, je voudrais qu'il fût possible de vous engager à réfléchir plus sérieusement. Si vous parveniez une fois à vous convaincre combien vous vous abaissez en cherchant à rendre les autres ridicules, les objets dont vous vous amusez maintenant exciteraient alors avec bien plus de raison votre indignation. » « Mais, ma chère dame, s'écria Milady, s'il en était ainsi, je serais absolument sans défaut. Alors nous serions toujours d'accord, et je ne sais pas comment nous ferions pour soutenir la conversation. » En prononçant ces derniers mots, elle se leva, lui prit la main et sortit précipitamment. « Une conversation, dit Madame Delville, quand elle fut partie, qui ne consiste de ma part qu'en conseils très inutiles, donnés de bonne foi à une personne dont la légèreté est incorrigible, aurait cessé il y a longtemps. Si je ne considérais pas que l'inconséquence et l'étourderie sont tant à la mode qu'il est bien difficile qu'une jeune personne du caractère de Lady Pemberton, accoutumée d'ailleurs à gouverner les parents par qui elle devra l'être, puisse s'en préserver. « Elle paraît cependant, dit Cécile, recevoir si bien vos remontrances que je crois qu'on pourrait avec le temps espérer de la corriger. »« Non, répondit Madame Delville, je n'espère plus rien. J'ai pris autrefois beaucoup de peine pour y parvenir. » Mais je n'ai pas tardé à me convaincre que la patience avec laquelle elle entendait parler de ses défauts n'était qu'un effet de cette même légèreté qui les lui fait contracter. Au reste, si les jeunes personnes ne se lassent point de s'égarer, j'avoue que les vieilles se trompent tout aussi souvent dans leur jugement. Et il n'y a pas longtemps que j'ai eu lieu de m'apercevoir du peu de justesse de ceux que je porte moi-même. Cécile, qui sentit vivement tout ce qu'il y avait de personnel dans ce discours, fut encore réduite au silence et cruellement mortifiée. Désolée d'avoir ainsi perdu en partie les bonnes grâces de la femme qu'elle estimait le plus, et révoltée de l'idée de ne pouvoir rien alléguer pour sa justification, après une courte pause et quelques réflexions, elle se leva gravement pour prendre congé. Madame Delville la prévint alors que s'il avait quelque affaire avec son mari, elle lui conseillait de ne pas différer à lui en parler, parce que toute la famille comptait partir dans peu de jours pour la campagne. Cet avis fut pour Cécile un nouveau coup bien sensible. Elle répondit tristement, « Dans peu de jours, madame ?»« Oui, » reprit madame Delville. « J'imagine que vous allez en paraître très fâchée. »« Ah, madame !» s'écria Cécile, qui ne put conserver plus longtemps son sang-froid. « Si vous connaissiez la moitié des sentiments que je vous ai voués, du respect sincère et de la vénération que j'ai pour votre personne, toutes mes protestations seraient inutiles. » Madame Delville, surprise à la fois et attendrie de l'air de vérité de cette déclaration, saisit sa main et lui dit, « Je croyais que tout ce que je pourrais vous dire vous serait très indifférent. Sans cela, mon ressentiment aurait cessé au moment où je vous aurais fait connaître, et causé que par votre longue absence. Je vous assure que rien ne m'afflige davantage, répliqua Cécile, que d'avoir pu y donner lieu. Mais croyez-moi, madame, quoique malheureusement les apparences semblent être contre moi, j'ai toujours été très reconnaissante des bontés dont vous m'avez honoré. La vénération, la gratitude que je vous ai inviolablement conservée, n'ont jamais été altérées. « Vous voyez donc, dit Madame Delville en souriant, que quand les reproches produisent quelque effet, ils ne sont pas écoutés avec cette patience que vous admiriez il n'y a qu'un moment, et qu'au contraire, lorsqu'on les entend sans en être ému, c'est aussi sans qu'ils produisent aucun fruit. Que vous différiez en cela de Pemberton, c'est assurément de quoi personne ne saurait s'étonner, puisqu'elle ne peut soutenir la comparaison avec vous, et que vous lui êtes si supérieur à toutes sortes d'égards. Daignerez-vous donc agréer mes excuses et me pardonner ?» « Je ferai plus, » repartit Madame Delville en riant. « Je vous pardonnerai sans attendre aux excuses, car il est certain que vous ne m'en avez donné aucune. Mais allons, continua-t-elle, s'apercevant que Cécile était embarrassée par cette réflexion, je ne veux plus qu'il en soit question. Je suis charmée de retrouver ma jeune amie, et même presque honteuse d'avouer que j'ai eu le moindre doute sur ses sentiments. Elle l'embrassa ensuite tendrement, et convint qu'elle avait été plus mortifiée de son prétendu abandon qu'elle n'avait voulu le lui avouer, lui répétant plusieurs fois que depuis bien des années, elle n'avait point fait de connaissances qu'elle eût autant désiré cultiver que la sienne, ni joui d'aucune société qui lui fît autant de plaisir. Cécile, dont les yeux annonçaient la joie et la satisfaction, dont les espérances semblaient revivre, eut peu de peine à répondre à ces protestations d'amitié, et au bout de quelques minutes, elles furent non seulement réconciliées, mais encore plus unies que jamais. Madame Delville la pressa de rester à dîner avec elle, et Cécile fut trop satisfaite de cette invitation pour ne pas s'y rendre. Les deux dames furent seules toute la journée. Rien ne troubla ni n'interrompit ces sentiments vifs et délicieux que le renouvellement sincère de leur amitié mutuelle occasionnait, pendant le court espace de temps qu'elle avait encore à rester à Londres.